Allez, on est de retour sur On est de retour sur Géronde Analyse à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur géronde33.com/écoutez-AGA. On est ensemble jusqu'à... voilà. C'est plus crédible que si je vous donne une heure parce que je pense que là, j'en sais strictement rien. Et on va pouvoir voyager vers de nouvelles horizons, comme dit... Le petit jingle en début, puisque au final, on rentre à Bordeaux. Et on y reste, puisque, comme on dit, l'Europa League est dead. Voilà, fini. Je crois qu'on n'est pas loin d'avoir le pire entrée en matière. La pire introduction. Je crois que je suis tellement dégoûté que... On va être franc, hier je me suis dit, si Seb avait été là, je vous aurais trouvé une excuse pour vous dire que je pouvais pas venir. Et je me suis dit, eh merde, j'ai la clé, je suis obligé d'y aller. Donc tu vois, je suis là, malheureusement. Donc ce soir c'est simple défaite ou véritable indicateur. Alors, on fait un tour de table. On va prendre notre Dexter au téléphone. Bonsoir Dexter. Allô allô. Allô bonsoir. Donc on salut. Va... salut Dexter. On va salut. Te prendre. Salut tout le monde. Pour l'instant tu contiens les chevaux. Tu te lâcheras petit à petit, mais pour l'instant tu contiens un petit peu. On a fait plusieurs questions, parce qu'au final, ce qu'on va faire, c'est un petit peu une libre antenne. Je pense qu'on va aller un petit peu dans tous les sens. Chacun va se défouler un petit peu, histoire de pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a sur le chat? Non, il y a une violence sur toi. Putain, mais après la parler sérieux, c'est insupportable. De rien, tu conches. Orthophoniste. Oui, mais j'ai fait une dédicace à vous tous sur mon compte GA. J'ai mis « J'étais capable de faute à deux français » à l'écrit et à l'oral. Donc, on va faire un tour sur chaque question que l'on a mise sur Twitter. Chacun va y répondre au tour et puis après on parle du match. C'est prêt pour tout le monde? Ouais. Alors, première question qu'on a posée sur Twitter, c'est Vidéoton contre les Girondins. Simple, pourquoi vous donnez juste la réponse? Cyril. Véritable indicateur. Adrien. 50-50. C'est la moitié, c'est. Non, mais c'est pas inquiétant. Allez, ta gueule, suivant. Véritable indicateur de l'équipe du moment. Une catastrophe. C'est pas dans un truc, c'est véritable indicateur ou simple défaite et accident? Ah ben, indicateur là. Mais il faut choisir, mais... C'est beau. À l'instant T, véritable indicateur. Si les choses en restent là, oui. Ok, bon moi je dirais que c'est une simple défaite, j'essaierai d'expliquer pourquoi tout à l'heure. Et toi, Dexter? Bah je comprends même pas pourquoi on hésite, quoi. Véritable indicateur à 100%. Allez, ensuite. Non, c'est toi qui as mal compris. Qui est le premier responsable de la défaite hier soir? Gourvenec, le recrutement ou les joueurs? Ah, j'ai pas donné les résultats en fait. Donc c'est 64% de gens qui pensent que c'est un véritable indicateur. Normal. Gourvenec, le recrutement ou les joueurs? Pour vous, c'est qui le premier responsable? Je dis pas que les autres ne sont pas responsables, je vous dis juste le premier responsable. Les trois. Cyril, c'est pas possible, j'en veux un. Le recrutement. Le recrutement. Au recrutement. Vous êtes sérieux contre Vidéoton? Contre Vidéoton, le coupable numéro 1, c'est les joueurs sur le terrain, mais sinon c'est Gourvenec sur sa compo. Gourvenec. Bien sûr, c'est Gourvenec avec sa compo pourrie. Et toi, Dexter, tu vas me dire le recrutement? Parce que j'ai le recrutement, forcément, tu te présentes pas en Europe avec Gaëtan Laborde en titulaire. En attaque, c'est impossible. Bah, non plus avec Plazine en milieu défensif. Si arrêtez d'avoir Laborde à la radio, merde. Là, vous le donnez pas envie de venir. Hein. Non, mais. Il n'y a pas de Dexter. On va en parler. Et puis, Dexter n'est qu'un auditeur. On n'assume pas du tout ce que tu dis. C'est des solidarités totalement. Costil, si tu nous écoutes, nous on est gentils. Non, mais on en parlera. Non, en même temps, chacun lui donne son avis. Voilà, Vidéoton Girondin. Remplacer Toulala en défense centrale, est-ce vraiment une bonne idée? Oui, oui, si on recrute un milieu défensif ou non. Cyril. De quoi? J'ai pas compris. Toulala en défense centrale. Parce que Monaco vient de marquer, il gagne 3-2. Ouais, c'est pas un moment. En défense centrale, bonne idée. Oui, oui, si on recrute un milieu défensif ou non. Non, c'est pas une bonne idée, mais il faut recruter un milieu défensif. Non. C'était quoi la question? Tout l'allant en défenseur idée, central, oui, bonne idée. Très mauvaise idée. Vraiment. Vraiment. Je partage l'avis de Snakil, un défenseur central et un milieu défensif. Très mauvaise idée, effectivement. Non, mais je rajoutais. Non, mais c'est ce que je disais dans ma tête. C'est cher. Télépathie, mec. J'allais vous dire que c'était oui si on recrute un milieu défensif, mais vous m'avez fait un petit peu changer d'avis en première partie d'émission, donc ça sera non. Et toi, Dexter? Ben, un peu comme la majorité, là. Enfin, il faut un défenseur central et un milieu défensif. Donc, non. Ensuite, merci. D'accord ou pas d'accord, on a vécu l'un des pires traumatismes de l'histoire du club avec Calais et la descente de 91. Donc vous avez le droit entre un d'accord ou pas d'accord. Ouais, c'est moi qui l'ai mis, donc je suis d'accord avec moi-même. Pas d'accord. Ah, c'est attends, juste, j'ai encore oublié de donner les réponses à l'heure. Donc c'était non à 72% ou 22% oui si on recrute un milieu défensif et oui à 6%. Alors peut-être pas, c'est pas le niveau de Calais, mais en termes de dramaturgie... Calais, c'était quand même une demi-finale de Coupe de France là, que t'avais pas gagné. Par rapport au niveau de l'équipe et par rapport au fait que c'est hyper important pour le club d'être en Coupe d'Europe... Parce que être en finale de la Coupe de France, c'est pas important pour le club. Si, c'est important, mais là, c'est vrai que c'est quand même chaud. Ouais, je suis quand même... La Ligue 2, c'était pas... Non, mais c'est pas aussi... Non, pas autant. Et mais par rapport à France-Portugal. Sur les 5 dernières années, voilà. Ouais, je dirais qu'on est... C'est un traumatisme, d'accord. C'est quand même traumatisant ce qui s'est passé hier. D'accord. T'as dit d'accord, hein. Non, je dis pas d'accord, c'est pas du niveau calé de Ligue 2. Le terme exact utilisé, c'est traumatisme. Oui, traumatisme. J'irai pas jusqu'au traumatisme Ligue 2, mais c'est... Non, ouais. Ouais, non, j'utiliserai pas le terme de traumatisme. Donc, sachant que 91, le traumatisme de la Ligue 2 il est surtout provoqué par la chute de Baize. Donc, c'était pas sportivement. Plus, donc, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Bah, moi je suis d'accord. Vu dans l'état où j'étais hier soir, je peux être que d'accord. Et toi, Dexter? C'est difficile parce que. Non, je vais dire oui quand même, c'est quand même un sacré traumatisme. Donc 74% des gens sont d'accord. Eh, j'y arrive vraiment pas. Je suis 74% des gens aussi. Et donc, comme dit Coach Vaïd, je vomis. On a aussi fait le bon drôle et le bide. La petite question qui revient maintenant régulièrement dans Girondin Analyse. On a réussi à faire un bon drôle quand même. Hostile, hein. On a réussi à faire un bon drôle, mais avant qu'on fasse les sondages, je vais quand même vous donner les notes des joueurs, puisque je pense que ça vaut quand même le coup. Et je vais donner les virgules, parce que sinon on ne pourrait pas les différencier, ils auraient tous la même note. Alors, Costil a 8,29 sur 10. Lui, il n'avait pas besoin de virgule, je pense. Sabali a 0,57. Leschouk a 1,5. Toulalan à 1,5, Gagic à 1, Plasil à 0,58, Sankaré à 2,07, Vada à 1,29, Kamano à 2,29, Malcolm à 2,57, Laborde à 1,43 et Mandy à 3,71. On n'a pas noté Contanto parce qu'il n'a pas joué 45 minutes complètes. C'est la règle qu'on s'est toujours fixée pour noter un joueur. Mais c'est vrai qu'à 2-3 minutes près, on Kamano est surcoté quand même sur ce match-là. Non, mais parce on a plus l'écran d'ailleurs. J'ai fait des notes, je vais vous dire mes notes parce que j'ai rien à cacher. J'ai fait Costil 8, Mandy 4, le reste 0. Donc ça on vous a proposé donc d'élire le bon drôle du match de Vidéoton contre Vidéoton. Donc vous aviez le choix entre Costil. Messieurs, plus Costil. Alors Costil 1, 2, 3 ou 4 2. Le 2 En 1, Costil aussi. En 2, le père de Costil. En 3, la mère de Costil. Et en 4, la Bretagne. Moi j'ai. Normalement, c'est pas. Je suis pas d'accord. Moi j'ai choisi le 4 de Costil. Le 4, ouais. Costil. Ah non, mais les gars. Dexter, honnêtement, là, on va essayer de se détendre un petit peu. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a une réponse qui a pris 50% des votes. Ah bon? Mais en même temps, ils ont pris le premier Costil. C'est ça. Et donc, le bide, vous avez le choix donc, avec les 3 plus mauvaises. J'aurais pu mettre les 4, mais j'ai préféré pas mettre Vada qui a joué qu'une mi-temps et mettre Gourvenec à la place. C'est quand même parce que t'aimes Vada? Non, parce que c'était un des débats, donc je me suis dit que ça valait plus le coup qu'un joueur qui a joué une mi-temps. Donc, vous avez le choix entre Sabali qui a eu 0,57, Gagic qui a eu 1, Plasil qui a eu 0,58 ou Gourvenec. Votre bide du match, messieurs? Bah, Gourvenec, hein, on va rester dans la lignée de ce qu'on a dit tout à l'heure. Gourvenec. Qui a quelqu'un d'autre que Gourvenec? Plasil. Plasil pour toi? Non, moi je vais Gourvenec parce que sinon je vais marcher à ce Contento, ça sert à rien. Il est pas dans la liste de toute façon. Cyril? Honnêtement, je peux pas sortir de bide. Pour moi, ils ont tous été. Enfin, pour moi, c'est tous un bide. C'est franchement, là, j'ai envie de dire tous. J'ai pas envie de choisir. Donc 2% ont voté Gagic. Bon, je suppose que Dexter a dit aussi qu'il n'arrivait pas à choisir. 29% ouais, la borde Sabali, Toulalan, Gaïc, enfin tout le monde quoi. Tout le monde. Ouais, c'est plus facile de résumer en disant Gourvenec quoi, ça va plus vite. Voilà, c'est pas donc, plus mal. C'est le vainqueur Gourvenec avec 39% des voix, 30% pour Plasil, 29% Sabali et 2% pour Gagic. Bon, Dexter, t'as voulu appeler, t'étais en colère, mais on va te remercier, j'espère qu'on t'a détendu un petit peu. Et on va détendre, je suis pas sûr, mais... Non, vas-y. Allez, t'as 2 minutes, vas-y. Allez, ben non, allez on fait comme RLC, t'as 2 minutes et on te coupe, vas-y. Défonce-toi. Mais non, mais y a pas de soucis, moi je suis pour le dialogue, mais c'est incroyable, quoi. J'ai l'impression qu'on vit les mêmes choses année après année. Ah ben c'est pas une impression. Hein. Ah d'accord, voilà, merci de confirmer. Non, mais parmi certains supporters moutons, j'ai l'impression que c'est pas grave. Ah mais après on n'est pas obligé non plus d'être méchant envers les autres qui sont plus optimistes, on va dire. Non, oui, enfin le plus important c'est d'être réaliste. L'optimisme. Oui, mais bon, t'as le droit quand même de rêver et mine de rien supporter une équipe. Oui, mais rêver, oui, d'accord. Supporter oui, une équipe, c'est rêver aussi, donc. Oui, mais ils peuvent rêver, mais en tout cas ils sont dans le déni. Mais en tout cas, oui, rêver tranquillement, mais oui. Je sais pas si c'est le plus. Moi, je vais défendre ce que j'ai dit. Il y a un truc qui m'agace réellement. Je vise pas quelqu'un qui est sur le chat. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je vise pas quelqu'un en particulier. Mais c'est un ensemble de choses que j'ai lues. J'ai vu beaucoup de personnes me parler. Du mercato. Moi, je me suis. On en avait parlé de cette histoire de mercato. Oui, je suis totalement désaccord avec toi, mais il n'y a pas de souci. Hein. Mais je vais essayer de me réexpliquer, on pourra débattre. Ouais. Mais tu t'es très mal expliqué, hein, parce que t'as sur, il s'explique toujours. Non, mal. Mais sur Twitter, en 140 caractères, c'est pas possible. T'as dit qu'on s'était renforcé, donc t'as bien vu qu'on s'est pas renforcé. On n'est pas capable de valider autant. Donc, mais moi, je pense qu'on perd à cause de la compo. Voilà, je pense que certes tu fais le recrutement que tu veux, mais si tu fais cette compo, Marc, t'es sûr de perdre. Là, laisse-moi finir. Moi je peux juste intervenir et juste te dire que si jamais tu lui achètes un latéral gauche et que tu lui achètes un 6 et que tu lui achètes un 9 et que tu lui achètes un ailier, je pense que t'as pas cette équipe là. Oui, alors il y a un truc qui et donc forcément oui. On passe. Mais le problème logique, c'est que je comprends même pas pourquoi on se pose des questions sur ça. Le problème c'est pas si le problème c'est que pour moi ce raisonnement compte si sur la pelouse tu as mis ton meilleur 11. Il a pas de latéral gauche, il bricole. Attends, je peux parler? Il a pas de latéral gauche, il bricole. Il a pas de latéral gauche, il bricole. Il a pas de 6, il bricole. Il a pas de 9, donc il met la borde. Le pauvre, il fait ce qu'il peut. Il est gentil, mais il sait très bien qu'il va apporter ce qu'il peut, donc pas grand chose. Donc voilà, il bricole. Govanek met les joueurs. Il a là où je suis pas d'accord. Il va mettre qui? Il va mettre. Dexter, il bricole parce qu'il a pas de bif. En fait. Non, mais c'est... Donc, oui, il bricole. Alors, je vais essayer. Il a rien à sa disposition. Il va mettre qui à gauche? C'est pas vrai. Mais alors. Il a qui à gauche? Il avait Pelnar. Si vraiment il voulait pas mettre contre un club, il avait Pelnar. C'est vrai. C'était mieux qu'un mec qui a jamais joué à ce poste-là et qu'à chaque fois qu'il a joué en Ligue 1 à ce poste-là, a pas été bon. Mais tu penses que s'il met pas Pelnar, c'est parce qu'il a pas le niveau, tout simplement? Mais parce que Gagic l'avait hier. Mais s'il prend cette décision, c'est parce que Pelnar... Non, mais c'est pas difficile qu'il fait Gorvenek. C'est à mon avis, c'est quelque chose qu'il a dû penser, qu'il pense... Mais oui, ah oui, mais Laisse-moi terminer. Je pense que jeudi, mercredi soir, quand il a fait sa compo, qu'il s'est préparé le speech pour le lendemain, je pense vraiment qu'il pense que Gagic à gauche, c'est la meilleure solution. Et je pense vraiment que Plasil pour lui en 6, c'est la bonne solution. Mais moi, ce qui me dérange... Donc, du coup, c'est plus... C'est pas forcément c'est le recrutement dans le sens où on le sait que c'est des postes que Gourvenec veut renforcer, a demandé exactement, voilà. Et on ne lui donne pas satisfaction. Cyril. Parce que pour mettre Plasil en 6, c'est parce qu'il est totalement désespéré. Non, hein. Là, il y a des choses. Alors, je vais essayer de m'expliquer, d'accord. Vous me laissez vraiment expliquer ce que je pense et on va essayer d'avancer. Il y a un truc, je comprends entièrement ce que vous dites. L'équipe, et ça, je l'ai aussi dit quand je croyais que Bordeaux avait s'était amélioré. J'avais fait des comparatifs avec l'effectif de l'année dernière et je prenais en compte l'arrivée d'un ailier puisqu'il avait échoué sur sa visite médicale et la venue d'un 6 qui devait se faire. Pas les autres postes parce qu'il fallait des départs selon moi pour Erolan et l'arrière-gauche. Mais si donc on prenait ça, postes, je considérais qu'on s'était légèrement amélioré. C'est tout. Mais je disais pas plus que ça. Par contre, ce que j'avais réellement dit, et ça je le maintiens, et c'est pour ça que ça m'énerve d'entendre l'excuse du mercato et je vais m'expliquer pourquoi. Mais c'est pas une excuse, Marc. Non, mais laisse-moi finir. L'année dernière, je sais que c'est pas une excuse. Je vois ce que vous dites derrière. C'est que si on avait fait notre mercato avant, on n'en serait pas là. Mais ça, oui, je suis d'accord. Maintenant, il y a autre chose. On l'a pas fait. On l'a pas et fait. Et pourquoi on l'a pas fait? Peu importe les raisons, j'ai envie de te dire. D'accord. On l'a pas fait. On joue Vidéoton. Pour moi, si l'équipe, l'année dernière, qui termine 6ème, l'équipe, le 11, qui va qui fait 3ème de la seconde partie de saison, s'il n'est pas capable de passer Vidéoton. J'avais déjà dit que c'était pas un ou deux ou quatre joueurs qu'il fallait, c'était 11. D'accord ? Donc, et que ça ne servait à rien si ce groupe-là ne passait pas, c'est pas parce qu'on aurait 4 joueurs de plus qu'on ferait un gros parcours en Coupe d'Europe. Donc, tant qu'à faire, il valait mieux pas y être. Donc, sur ça, je continue à penser ce que je pensais. Il y a un truc que je ne peux pas comprendre. Quand on me dit, oui, mais il n'y avait pas de 6. Ben, entre Arambari et Plasil, il y avait un 6. Il y en a un qui ne l'est pas, il y en a un qui l'est. Ensuite, il y en a un qui avait joué le match aller, on a gagné 2-1. Pourquoi mais tu l'as sorti? S'il ne le met pas, c'est que ce n'est pas un phénomène non plus. Mais certes, mais ça ne pouvait pas être pire que Plasil qu'on n'avait jamais vu à l'œuvre à ce poste. Ah oui, effectivement. Ensuite, pire que Plasil, c'est un 6. Si réellement tu considères que dans ta vision de ce que tu vas donner dans ta saison, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Il te manque, par exemple, un milieu défensif. J'ai pas de souci, il manque le milieu défensif. Arambari, peut-être pas assez haut niveau, même si pour moi, il avait fait une bonne impression au match aller. Plasil, c'en est pas un. Ok, mais dans la mesure où j'en ai pas, je mets tout l'allant en 6. J'ai un défenseur à ma derrière, j'ai Jovanovic, on est allé l'acheter. Si je trouve que Jovanovic, il est pourri, pourquoi j'ai demandé à ma direction de faire en sorte qu'on ait un achat, puisqu'il n'y avait même pas d'option d'achat à l'origine. Donc c'est ça, c'est la première chose que je comprends pas. Il y avait la possibilité d'avoir 2 défenseurs de métier et un milieu défensif de métier, et d'avoir une charnière qu'on a eu la saison dernière avec un milieu défensif qu'on a eu la saison dernière. L'arrière-gauche, toute la saison dernière, on a eu des difficultés dessus. Mais j'ai envie de dire, au final... Et pourquoi ça n'a pas évolué? Non mais le Colmer, ce que je dis c'est que l'équipe, le 11 de l'année dernière doit être capable de passer. Après si je regarde ce qui se passe sur la première mi-temps et là où on prend l'eau et celui qui prend un jaune puis un rouge, c'est pas l'arrière gauche. Tout est quasiment passé à droite. Donc il y avait Sabali, il a pas réussi à tenir. Au milieu, sur le milieu qui était avant Toulalan, Sankaré, Vada, t'as tellement enlevé Toulalan que les deux milieux qui étaient censés animer le jeu et qui t'animaient le jeu l'année dernière et qui faisaient pour moi la réussite du jeu bordelais se sont retrouvés à devoir faire le boulot défensif parce que Plasil était noyé. Ce que oui, je dis juste... Ça a déséquilibré tout le monde. Ça a déséquilibré tout le monde. C'est ce que oui, je dis. Et pourtant, ce choix-là, le choix qui a déséquilibré tout le monde, il était possible de ne pas l'amener. Il était possible, puisqu'on avait gardé le 11 de l'année dernière à part un joueur qui est pas loin, et bon, Costil, il était possible de refaire la même ossature, la même équipe, ben pour non. sur un match... Allez gagner. Et ça, on l'a pas fait. Parce que toi, tu remplaçais Parlois par Jovanovic. Sur d'accord. un match, si vraiment... Et après, si jamais sur ce match-là, on passe pas, ben je dirais, oui, il a manqué le mercato. Mais je vous aurais aussi dit... En fait, tu voulais bricoler. C'est ce que... Non, je voulais pas bricoler. Je voulais mettre le 11 de l'année dernière. Point. Si ce 11 n'était pas capable de passer, ça ne servait à rien d'aller en poule. Parce que c'est pas 4 joueurs qu'il fallait pour jouer les Liverpool, les Arsenal et les compagnies. Parce qu'il faut penser qu'en poule, tu as aussi les reversés des barrages de Ligue des Champions. Et après les poules, tu as les 3e des poules de Ligue des Champions. Moi, aller en Europa League pour se faire sortir à la fin des poules parce qu'on est 3e, ah bah non on merci. On s'en souvient, hein, les 2 dernières campagnes, elles étaient très glorieuses. Pourave. Pourave. Mais je suis bien d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai jamais contesté le fait qu'il fallait un mercato. J'ai juste dit que ce groupe-là devait passer. C'est qu'en fait, il fallait le calculer avant. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on commence une saison avec 3 titulaires en moins, que ça soit contre Vidéotan, Pomerol, mais le 11 de l'an dernier doit passer. Oui, alors, j'ai un argument et je remarque que 2-3 tweetos, enfin du moins personnes sur le chat ont relevé également cet argument. Il est évident que les ailiers, le premier rideau défensif n'est pas clairement effectué par Camano et Malcolm. Et là, je suis en train de lire Nicox 33 qui est en train de dire que Sabali, pour rebondir ce que tu disais Marc, Sabali, il a totalement été abandonné défensivement par Malcolm. Moi, je le rejoins. Je trouve que Malcolm, il apporte dans sa percussion. Il n'y a aucun souci. Derrière, il n'y a aucune récupération. Oui, mais il y a... ça vient pas de ça. Je vois ce que tu veux dire, mais ça vient pas de ça. Oui. C'est pas ça le non, gros problème. Oui, en fait. Non. Là... Je sais. Je suis... Mais de toute façon, je partage tout à fait ton avis, Dexter. Pour ça, je suis 100% je d'accord avec toi. Tu as bon goût, oui. Mais Camano et Malcolm, il serait peut-être temps aussi de serrer la vis et voilà. Mais entendez-vous bien. Pas d'accord avec toi, Marc, sur un truc, c'est 4 joueurs, ça peut changer beaucoup de choses. Non mais énormément de choses. Soyons d'accord. Vous dans l'équipe, si je peux vous poser une petite question, vous trouvez ça normal de commencer une saison avec 3 titulaires qui manquent? Non mais je pose la question à tout le monde en fait. Est-ce que c'est normal de commencer non, une saison avec 3 titulaires en moins? Ah non, c'est pas normal. Sachant trois que titulaires en moins, attends, par rapport à l'an dernier, t'enlèves qui? Non. Un latéral gauche parce que Contento, trois titulaires potentiels en moins. Ça veut dire que l'an dernier, tu termines 3e de la phase retour avec. Dexter a raison dans le sens où Gourvenec avait dit avant les tout premiers stages, il a dit je veux un groupe qui soit effectif et qui soit au complet avant de partir à Saint-Jean-de-Luz. Et Gourvenec n'avait qu'à pas refuser certaines recrues parce que monsieur, peu importe, tout ça pour dire qu'à la base, le groupe qui était souhaité, un groupe complet, c'était pour le 21 juillet, je crois, pour Saint-Jean-de-Luz. On est le 4 août, et le 4 août, on a fait zéro recrute. Il y a des gens qui trouvent ça normal. Il y a une question de timing sur le recrutement. Mais on parle des... Mais sur le match d'hier, le problème, il est ailleurs. Pour moi, il est dans l'état d'esprit où on a pris le match, parce que pour Gourvennec, il pensait qu'on était capable de poser le pied sur le ballon avec un milieu Plasil Vada. Il a fait une erreur. Mais voilà, il faut l'accepter maintenant. Donc le manqué incroyable de Laborde, c'est l'état d'esprit. Au bout d'un moment, avec Laborde, s'il était si nul que ça, on n'aurait pas terminé 3e sur les phases retour l'an dernier. Ah d'accord, voilà. C'est grâce à lui. Non, mais c'est une question. On a terminé 3e sur les phases retour l'an dernier avec Laborde en point. Tu as raison. Effectivement, Laborde, pour battre des clubs contre Angers, je sais pas, c'est ce genre de petits clubs, ça passe. Non, Lyon et tout ça. Lyon et tout ça. Non, mais c'est une question. Est-ce que l'an dernier, on a terminé 3e des phases retour de Ligue 1 avec Laborde en point? Donc tu penses que c'est vraiment Laborde qui a apporté ce petit plus? Non, je dis que c'est pas global. La présence de Laborde qui a fait qu'on n'est pas passé. C'est la différence, elle est que. C'est que vous raisonnez toujours vers le bas, en fait. On raisonne à l'inverse. Mais si, mais justement, vous raisonnez vers le bas. Bah, en fait, si on garde Laborde titulaire, ça n'apportera rien de plus. Donc, on parle par rapport au match d'hier. Au match d'hier, ce n'est pas la présence de Laborde qui fait qu'on se qualifie pas. D'accord. Avec ce groupe, on aurait pu se qualifier. Autre problème, aussi le timing. C'est pas qu'on aurait pu, c'est qu'on aurait dû. On aurait dû se qualifier. Merde. Le timing aussi, sur le mercato, il y a un problème de timing sur les postes. Je suis d'accord, il y a des postes où on aurait dû se renforcer. Surtout si tu fais descendre tout l'allant, tu dois prendre un 6. Et en plus, si tu vends Palois, il y a eu un problème. Palois, tu le gardes tant que t'as pas son remplaçant. Bien sûr. Ah oui. Non, je vous écoute. En fait, bon, j'ai pas suivi tout le fil parce que ça crie un peu. J'ai pas tout compris. Mais moi, mon avis, c'est qu'il y a quand même eu une impréparation totale du club à affronter ce match, enfin cette double confrontation. Alors, est-ce que on n'a pas pris Vidéotron de haut? Est-ce que dans la réflexion qui est faite par rapport à la préparation, parce que moi, ce que je vois un petit peu par rapport aux deux matchs, outre le problème de les choix de joueurs qui ont été faits, etc., c'est que j'ai l'impression que les joueurs étaient complètement cramés dès le deuxième match. Ça manque de profondeur d'effectif. Ouais, je pense que clairement la préparation n'a pas été faite en fonction de cette double confrontation. Peut-être dit qu'on passerait facile voilà, il y a peut-être eu un manque de préparation là-dessus. On va le confirmer ça, hein, parce que c'est quand même ce qu'ils ont dit. Hein, oui, bon, voilà, mais moi je suis absolument d'accord avec ça. Après, effectivement, il y a des manques à certains postes. Si Gourvennec a utilisé ce match pour montrer à sa direction qu'il y a des manques dans ses... c'est ce qu'on peut interpréter aussi. Je dis pas que c'est ce que je pense, mais c'est ce qu'on peut interpréter. Gourvennec aussi a pu mettre Gaïch sur le côté gauche, a pu mettre Plasil... Mais toi, tu penses aussi qu'il y a des manques, quand même. Ah, mais bien sûr, je le pense. Ah, mais est-ce que Gourvennec a fait exprès, c'est ça que je veux dire. Ah bah, s'il fait exprès sur ça, c'est quand même... Voilà, hard, quand même. C'est quand même assez grave. Ah, après... Oui. Moi, ce qui me scandalise encore plus, c'est que dès la première minute, on explose. Voilà, c'est ça en fait qui me scandalise, c'est que on arrive dans une confrontation décisive où on sait que c'est l'avenir de notre saison quand même qu'on joue. Parce que deux jours avant, souvenez-vous des propos de Stéphane Martin dans le Sud-Ouest. Si on passe pas cette étape de Vidéotron, ça sera un très gros coup sur la tête, etc., etc. Deux jours après, on arrive à Vidéotron, comme des petits chiens. On a un effectif suffisant, les postes sont doublés, les troisième postes sont rendus. Il y a tout ce discours aussi derrière qui est remis en question. Mais c'est vrai, mais ce discours, il est malsain, en fait. Alors, totalement malsain. Il est malsain, certes. Et il nous prend pour des cons, en fait. Non, parce que je pense qu'il est réellement persuadé de ce qu'il dit, en plus. C'est ça qui est grave, en fait. Donc c'est encore plus grave. Voilà. Non, mais je pense qu'il est réellement persuadé. Il y a aussi, dans le but aussi, d'essayer de consolider des joueurs. Si tu commences à dire on va recruter un arrière-gauche, un attaquant, un milieu défensif... Mais ils le savent, et Marc, ils sont pas stupides. Mais alors pourquoi les supporters... Contento, il sait très bien qu'on recherche un latéral gauche. Donc pourquoi les supporters sont stupides à prendre cette interview au pied de la lettre? Non, mais si les supporters prennent au pied de la lettre une interview, j'ai le droit de considérer que les joueurs prennent au pied de la lettre une interview. Je suis désolé, pour l'instant, M6 et Martin disent la vérité. Quand ils disent que M6 dit le club n'est pas à vendre, le club n'est pas à vendre. Non mais il y a plein de trucs qu'ils disent que les supporters interprètent comme des mensonges. Ouais, c'est la langue de bois, c'est ci, c'est ça. C'est compliqué. Mais à l'heure actuelle, ce que dit Martin, il y a rien qui te laisse indiquer le contraire. Ouais. C'est pas vrai, parce qu'il y a un ailier qui devait être recruté. Bah, les ailiers, sur les quatre ailiers, tu les as. Roland, Malcolm, oui, mais il y en a un qui a passé, comment il s'appelle, Camano. Il y en a un qui a passé sa visite médicale. Mais ouais, mais bon, peut-être que, qu'est-ce qui te dit qu'après Wellington, laisse-moi finir, que monsieur de Taverneau arrive et dit, ben, allô, ouais, ça va Stéphane, ouais, mais désolé, il y a plus de pognon, M6, ils veulent plus mettre d'argent dans le club, ben, t'es merde. Après, il y a une campagne d'abonnement, il y a une com à faire. Alors, malheureusement, est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux qu'on a aux supporters en disant on va faire après, ça ce qui m'agace, c'est que personne n'y croit. Ce qui m'énerve, c'est que personne n'y croit. Mais après, le problème, et pourquoi beaucoup de supporters sont énervés, d'autant plus parce que sous Sagnol, quand tu fais des matchs immondes, si t'es éliminé, tu te dis bah, c'est normal. Ce qui énerve les supporters, c'est que l'équipe, sur ce qu'elle a montré depuis 6 mois, tu dis, mais même nous, on l'a dit, après le match de Vidéotron, le match aller, on a pris un but certes, mais ils n'ont pas été si dangereux que ça. Même pas trop, alors arrête, sur le match aller, sur les coups de pied arrêtés, ils ont été dangereux, mais sans plus, nous on a eu 10 fois plus d'occasions. Voilà. Mais t'es en train de jauger les actions contre Vidéotron. Non, mais ouais. Sur le match aller, quand non, tu juges un match aller, ce que tu veux dire, c'est que sur le match aller, jamais on se dit on va être éliminé. Au niveau de l'état d'esprit. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais déjà, rien que de finir à 2-1. Oui, mais voilà, mais ça. Contre Vidéotron, c'est déjà incroyable. Mais après, ce qui gêne, c'est que la construction du groupe est remise en cause totalement sur ça. Et aussi, le timing du mercato remet en cause ça. Ça veut dire que. On n'enlève pas loi et après on se dit on va avoir un milieu défensif parce que c'est là qu'on veut recruter. C'est ça, on n'y arrive pas. Le problème, c'est qu'on a mal géré ce match de tour préliminaire et même si après il y a eu un barrage, on aurait eu ce problème aussi. Alors. On a mal géré, on s'est pas dit que on n'a pas 2 mois pour construire l'équipe. Il fallait que sur l'instant T, on soit très fort. Et on a voulu reconstruire en mettant tout l'allant en bas et tout ça. Et c'est un chantier qu'il fallait commencer plus tard. Donc on fait un chantier en plein milieu d'un barrage de. Et c'est ça le problème. Je suis désolé, mais le chantier a démarré bien avant. Hein. Et depuis fin juin que tu as commencé ta prépa. Non, c'est pas trop tôt. C'est depuis fin juin, Govenek a averti tout l'allant qu'il serait défenseur central. Après le gros problème, t'étais là avec moi au Hayan, t'as entendu ce qu'a dit Martin, la préparation elle a pas été idéale, en même temps c'était un choix de pas tout miser sur la préparation, parce que si tu mises tout sur ta préparation trop tôt, mais fin octobre t'as un coup de barre, donc du coup ils ont préféré jouer un peu cool la préparation en se disant que ça allait passer parce que c'est vidé autant, mais Martin l'a dit aux supporters, et du coup... plus avoir une progression en cours de saison pour arriver au top. Le problème, c'est que tu prends un coup de bambou contre Vidéotron, et là, comment on fait? C'est ça, là, on est complètement... Est-ce qu'il y a un enseignement qui a été tiré des matchs de préparation? Il y a eu 5 matchs de préparation. Tu les gagnes tous. La première chose que j'ai remarqué dès le premier match, c'est, je trouve qu'offensivement, c'est quand même light. On jouait peu. À part la Real Sociedad lors du dernier match. Et Guingamp. Je trouve que le reste, c'est quand même des équipes qui sont relativement faibles, on va dire le mot. Si on a un statut qui est le statut des Girondins de Bordeaux, on se doit avec des attaquants comme Malcolm, normalement, là-bas, des Camano marquer des buts, et on a vu que lors des matchs de préparation c'était compliqué, donc déjà je trouve ça inquiétant qu'avant Vidéotron on n'ait pas fait un recrutement ne serait-ce que d'un ailier supplémentaire ou d'un attaquant. David, en fait c'est ça, le tout mercato, comme quoi l'équipe était améliorable et devait être améliorée, on est tous d'accord pour le dire, le but c'était de progresser, pas de stagner au même niveau, sinon on rejoue la 6ème place et comme les autres auraient augmenté, nous on aurait régressé. Donc ça, on est entièrement d'accord pour le dire. Ce que je vois, c'est que sur les matchs de préparation, qu'est-ce que j'ai remarqué des joueurs? C'est qu'ils avaient tous les jambes super lourdes. Tous. Tu sentais que la préparation foncière était très chargée au début, allait être assimilée sur le mois d'août, et pourrait monter après en régime jusqu'à octobre. Ce qui est fait très souvent quand tu joues la Ligue des Champions, mais quand tu la joues direct. Et quand tu la joues direct, nous, ce qu'on a oublié, c'est qu'on avait 4 matchs à jouer en août, de plus que d'habitude. C'est ça, c'est qu'il fallait le préparer en amont, mais c'est tellement logique. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que on aurait recruté des joueurs au mois de juin avant la préparation, ils auraient fait la préparation, ils seraient arrivés avec les mêmes jambes lourdes. C'est ça en fait qui me dérange un petit peu. C'est pour ça que je dis qu'en soi, Oui, si on avait fait le mercato, ça aurait été la logique des choses et c'est comme ça qu'on aurait dû fonctionner. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc au final, t'es d'accord avec moi. Ah, donc, mais ça là-dessus, oui. Mais pour moi, c'est juste pas la première cause. Parce que je considère que mercato ou pas, le 11 qui a fait 3ème la saison dernière, parce que c'est le cas, en ne perdant qu'à Nice. Parce que tu surestimes notre 11 alors du coup. Mais ce 11 là, il n'a perdu que contre Nice. Et encore sur des maladresses. Oui, mais entre temps, les autres se sont renforcés. Les autres, mais je te parle. Je ne parle pas de Ligue 1. Je ne parle pas de comparaison aux autres. Oui, parce que moi, je me souviens très bien ce que tu as dit lundi sur les mercato de nos concurrents, où tu étais très, très. Mais j'attends de voir ce que les autres vont donner. Oui, mais regarde, Marseille, déjà, ils ont fessé au stand sur deux matchs. Non, ils n'ont pas fessé sur deux matchs. Ils ont fait 0-0. Ils n'ont pas fessé au stand sur deux matchs. Le match retour, ils ont gagné. C'est un autre niveau que Vidéoton. Ça, j'ai vraiment pas dit au tout début du mercato. On était tous quand même un petit peu optimistes. Je me rappelle la première semaine, Costi, leur agent, on s'est dit ça y est, il prépare, c'est bien. Alors ça a explosé en plein vol, on sait pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on s'est enlisé dans des dossiers compliqués. Alors la seule excuse qu'on peut se trouver, c'est Wellington, pas de bol. Alors c'est vrai que ça arrive pas à tout le monde, bon, mais ça nous tombe dessus, ben, voilà. Ouais, mais c'est ça, pas c'est une excuse. Mais voilà, moi, juste pour revenir juste sur Vidéoton, je pense que Vidéoton, c'est ce qui s'est passé, c'est pas bien. Mais faut pas oublier que Vidéoton, normalement, avec l'effectif qu'on a, même en étant incomplet. C'est vrai, oui, normalement tu dois passer. Vidéo, normalement, l'effectif était complété. Ah oui, d'accord, on serait passé, bien sûr. Voilà. Mais ce qui s'est passé après, moi, et même non, si. Non, mais dites pas que si on avait complété l'effectif, on serait passé. Ah, je pense que si. Mais je pense que moi, je suis pas certain. Non, mais complètement, moi, si t'avais un latéral gauche et un 6. Mais le problème, c'est qu'on parle d'une juste que même si. Une occasion sur ce match. Même si on était passé, qu'on était qualifié, je t'aurais dit la même chose. Avec l'effectif qu'on a là, regarde les concurrences qu'ils ont recrutées, mais on est mal. Quand tu vois ce que font Marseille, Monaco, Lille avec Bielsa, on est mal. Ah ben alors là, franchement, ça va être 7-8ème, qu'on nous dise pas qu'on va finir 5ème, qu'on va recruter du lourd. Parce que là, moi, j'y crois pas. Il faut pas me prendre pour des cons. Et pourtant, j'aime mon club, je veux juste qu'on me dise la vérité, c'est tout. Dans ces cas-là, qu'on nous dise, ben voilà, on. Est-ce que dans la twittosphère et la sphère Facebook et tous les réseaux sociaux, est-ce qu'on souffre pas aussi de toutes ces personnes qui viennent alimenter les rumeurs mercato, qui viennent donner des informations, les supporters se fient à ces informations-là. Donc on attend d'eux finalement que ces informations-là soient avérées. Donc au final, il y a eu beaucoup de déceptions parce qu'il y a eu beaucoup de noms qui sont sortis. Et c'est ce que je pense. D'habitude, on n'a pas autant d'informations sur les dossiers. Voilà. Et là, on a vu tout. On a vu les dossiers échouer, notamment sur des informations. Du coup, il y a une première partie de mercato qui a débuté avec Costil et Rager, qui est plutôt bien, très bien débuté. Voilà. Suite à cette première phase, il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites et qui ont été relayées à droite et à gauche sur des, je me rappelle plus, des Garcia, des Mendy, des, enfin, oui, voilà, et voilà. Juste derrière, Dexter, deux petites secondes. Est-ce que c'est possible? Alors, on va tous écouter un petit peu et essayer de parler une personne à la fois. Exactement. S'il vous plaît, parce que là, ça commence à être inaudible. Oui. Merci, Dexter. Exactement. Et je pense que derrière, après, c'est tout à fait compréhensible quand on a des personnes qui sont friandes d'informations et qui veulent savoir un petit peu où va aller le club. Je le conçois, mais derrière, il y a cette naissance-là de personnes qui veulent se donner un petit peu d'importance sur les réseaux sociaux, à sortir des noms. Et les noms sortent à foison. Et derrière, on se retrouve avec une déception qui est assez grande, qui est assez forte de la part des Girondins, des supporters girondins, qui n'est pas forcément en réalité et en phase avec ce qui a été annoncé initialement par le club, je pense aussi. Juste pour revenir sur cette histoire de mercato, comme ça avait très bien commencé, comme le disait Dexter, Costil et les Rageurs sont des recrues qui ont été pensées, testées, approuvées, validées bien avant la fin de saison dernière. Le problème, c'est que, et je crois que c'était sur le chat que je l'ai vu passer, j'étais d'accord avec ça, je ne sais plus qui l'a dit, donc vous m'excuserez. Je pense que le vrai faux départ de Diego Rolan aussi à Fulham et son hésitation aussi ont retardé les arrivées possibles ou potentielles de certains joueurs. Après, les noms qui sortent sur Internet n'engagent que ceux qui y croient. Je veux dire, moi, je vois pléthore de noms à chaque fois sortir de l'illustre inconnu bosnio, croato, serbo, machin, à un joueur RSS. Comme Nampalis, ou du RSS, si tu veux, ou à un joueur comme Nampalis Mendy. Si les gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi, il faut aussi garder un peu de sang-froid et se dire que tous les noms ne sont pas possibles. Sinon, on serait le club le plus riche du monde. Il y a un truc, juste je termine sur ça. Dans une interview, Stéphane Martin disait aussi que ça n'a rien à voir, mais que le PSG ait dépensé pour Neymar l'équivalent du budget total des Girondins de Bordeaux. Je suis ravi d'apprendre que le budget des Girondins de Bordeaux, c'est donc 225 millions d'euros. Voilà. Non, mais c'est pour vous dire quand même que la com est peut-être pas aussi très bien maîtrisée du côté des Girondins. Donc voilà, 225 millions c'est d'euros alors que le budget officiel est de 70. Officiellement, ils ont dépensé zéro, hein, je crois. Voilà. Après, je voulais dire, si je peux prendre la parole. Vas-y. Ravi Garcia et Nampalis Mendy, c'est pas des supporters lambda qu'on en parlait sur Twitter ou sur les réseaux. On est d'accord que Martin et Gourvennec en ont parlé. Oui, ils en ont parlé. Oui, voilà, non, bien sûr. Non, mais je parle des autres noms. Oui, bien sûr. Non, mais c'est déjà Ravi Garcia et Nampalis Mendy. Pour un club comme Bordeaux, vous êtes d'accord que ça vend un petit peu du rêve. Oui. Mais voilà, notre président, enfin le Pantin, il s'est un petit peu foutu notre gueule, quoi. Parce qu'on va finir. Là, ça parle d'Octavio. On va finir avec quoi, Pedro Guignolino? C'est pas possible, quoi. Non, mais Dexter, faut aussi se mettre dans la position. Ouais, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors, si on n'est pas sûr de la piste, on ne l'annonce pas. C'est tout. C'est des erreurs de débutants. Je me souviens que Trio l'avait aussi fait, notamment de Inceros et compagnie. Donc voilà, après, je pense que Martin est novice. Et c'est pas une insulte que de dire que Martin et Ramy sont novices dans le métier. Oui, c'est vrai qu'on peut lui accorder ça. Oui. Ils ont commis énormément d'erreurs. C'est leur premier mercato. Ils ont pris beaucoup d'expérience sur ce mercato là. Le problème, c'est que on risque de le payer cher d'avoir deux novices, un duo de novices à la tête d'un club, c'est rare. On le tente. Je pense que on va le payer. C'est mon avis, mais je pense que cette saison. Ouais, mais bon, finalement, c'était aussi une attente de beaucoup que d'avoir un changement à la tête des Girondins. On est dans une Ligue 1 qui avance à grands pas. Parce qu'on parle de Paris, Neymar, ça en parle beaucoup. Mais si on fait une analyse à froid de ce championnat, il y a quand même plusieurs locomotives. Il y a même des clubs comme Lille qui tentent des coups, comme Thiago Maia. C'est des énormes espoirs au Brésil, peut-être des futurs. Ah oui, c'est un vrai espoir. Ouais, c'est peut-être des futurs de la sélection brésilienne. Il y a Claudio Ranieri à Nantes. Il y a quand même une Ligue 1 qui est en mouvement. On voit que Rennes, qui n'est pas reconnu pour investir, mais 17 millions sur Sarr. C'est énorme. Donc du coup, la Ligue 1 se transforme. Et finalement, le club archaïque qui est les Girondins de Bordeaux, même en changeant de direction et en la rajeunissant, ça pose quand même interrogation. Non, on est toujours dans le même pétrin, en fait. On n'arrive pas à évoluer avec la Ligue 1 qui évolue, justement. Là où je vais compléter un peu ce que dit Cyril, c'est que on assiste depuis 6-7 mois à une réorganisation au sein du club. Donc effectivement, avec Ulrich Ramé en directeur technique, sportif, ce que vous voulez, et Martin en tant que président délégué. Derrière, normalement, on ne met pas deux personnes comme ça, on les balance pas comme ça. Il était question que Jean-Louis Trio reste aussi dans l'ombre, occupe un rôle donc honorifique président du conseil d'administration, plutôt conseiller spécial du président, voilà ce qui est en gros son rôle, et on a laissé l'expérimenté Alain de Wessler, qui est directeur général du club, aussi aux côtés de Stéphane Martin. Aujourd'hui, on tire à boulet rouge sur Stéphane Martin, on tire à boulet rouge sur Jocelyn Gourvennec, mais au final, les deux hommes qui sont censés normalement guider un peu le président et être un petit peu leur l'aiguillon, on ne les entend pas parler, on ne les entend pas prendre la parole. Et au final, on laisse monter au front deux personnes qui n'ont aucune expérience de ce que c'est que des rouages du football. Ouais, mais il faut pas prendre le poste alors. Si non, mais t'as pas les capacités. Mais je dis, je suis en train. Oui, effectivement. Mais regardez, qui devait être candidat pour Bordeaux à la Ligue? Jean-Louis Trio et non pas Stéphane Martin. Ça dénote quand même un certain manque de voilà. Alors il y a une ossature qui se met en place. Moi je pense qu'il faut il y a des erreurs qui ont été commises et c'est des erreurs d'inexpérience et de jeunesse. Après ça n'excuse pas tout. Il va falloir. On est en train de l'apprendre à nos dépens. Malheureusement on était sur une phase ascendante avec la fin de saison dernière. L'élan est un peu brisé parce que justement il y a eu ce mercato un petit peu à deux vitesses. Et le problème c'est qu'elle dure ces erreurs. Hein, je sais bien, mais on change. C'est, on c'est a que, n'a pas malheureusement changé, on depuis 2009 on fait beaucoup d'erreurs. Je sais c'est bien. C'est pour ça que notre club il est à ce point-là quoi malheureusement. Alors que notre club on l'aime, c'est un club historique du football français Et on est sur trois campagnes européennes, lamentable quoi. On est Bordeaux. Ah ben là, cette campagne européenne a été la plus courte possible. Voilà, mais ouais. C'est que j'ai l'impression qu'on ne progresse pas. Et pourquoi on ne progresse pas ? Parce qu'on a des incompétents à la tête du club. Voilà. Mais après, la question, c'est on juge tout sur un match. Pour moi, c'est on remet tout en cause. Mais l'idée, quand l'an dernier en fin de saison, on se dit on part bien parce que. On n'est pas un club qui a de l'argent comme Lille qui peut acheter 14 joueurs comme ça pour se dire on va se construire un effectif. Non, on n'est pas une équipe comme ça. On a pris un peu le modèle de Nice. Ça partait bien vu qu'au niveau sportif, on arrivait à avoir les résultats. Et derrière, si tu as les résultats au niveau sportif, tu peux investir et ainsi de suite. Et là, on est coupé dans notre élan. Mais attention, Nice a connu ça aussi. Il ne faut pas oublier que Nice a fait une bonne saison, s'est qualifié en Coupe d'Europe et avait raté un tour préliminaire. Et après, elle quand même continue à construire. La difficulté, ça va être, et c'est pour ça que... Faut pas tout envoyer brûler. Voilà, quand on a été au Vaillant, le discours de Gourvennec et de Martin, peut-être que ça a fait râler des supporters, mais c'est le discours qu'il fallait. C'est un discours, il faut pas être alarmiste, parce que eux, ils ont des joueurs à gérer. Nous, on est supporters, nous, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand t'es entraîneur, quand t'es président, tu dois gérer un groupe, tu dois gérer un club, et il faut que tu donnes confiance. Et comme un patron d'entreprise, s'il gagne pas un marché, il faut que derrière, ils disent, on va quand même continuer. Le problème, c'est donner confiance, mais ne pas mentir aux gens aussi. C'est ça. Quand tu regardes les interviews successives, que ce soit de Gourvennec ou de Stéphane Martin, je suis le premier à le reconnaître, je suis tombé dans le piège moi aussi. Effectivement, on entend beaucoup de choses, on te caresse dans le sens du poil, on te dit l'objectif c'est d'être européen, enfin je vais retrouver les paroles exactes, mais l'objectif c'est de passer ce tour préliminaire, d'être européen, parce que sinon machin, on a une bonne équipe, on a doublé les postes, on a construit, etc., etc., on te balance 2-3 noms. Et au final, ces noms-là se font pas. Donc déjà, premier écueil. Ensuite, tu n'es pas européen. Deuxième écueil. Ensuite, on te dit, l'objectif, c'est d'être européen. Mais si on finit entre 3 et 8, c'est bien. Dans une même interview, il y a 25 contradictions possibles. C'est un des problèmes. Ce qu'on veut, moi je pense que ce que veulent les supporters, je parle pour moi en tout cas, c'est qu'on veut la lisibilité. C'est-à-dire qu'on veut des objectifs précis, on veut des moyens pour y arriver et on veut que ça se passe bien. Alors après, ce qu'on se passe bien, c'est aléatoire. Mais qu'on parte sur des bases saines et qu'on arrête de mentir aux gens. Voilà, c'est tout. Et qu'on arrête aussi les communications en disant on va faire des trucs cool pour le stade. Pour remplir un stade, il faut une équipe. Et si t'as pas l'équipe, à Bordeaux, ça marche pas. Ça va être un mois d'août difficile à gérer. Difficile à gérer. Et si l'équipe arrive à s'en relever en faisant un bon mois d'août en Ligue 1, ça peut être intéressant. Si on fait un bon mois d'août en Ligue 1, on peut se relever sans souci. Si on fait un bon, c'était ça la question que je voulais vous poser, c'est que si on fait un bon mois d'août, ça va vous faire atténuer le fait qu'on se soit fait éliminer. Parce qu'il y a des gens, ils disaient sur Twitter. Je sais que c'est pas non plus un réseau hyper intellectuel, mais il y a des gens qui disaient que si on allait faire un bon résultat contre Angers, ça effacer en partie l'élimination, mais c'est pas possible de penser comme ça. Moi, le seul truc qui pourrait éventuellement effacer, on va dire, cette peine, même s'il n'y a pas vraiment de peine qui peut être effacée, mais ça serait, on oublie peut-être mars 2018, on a une finale de Coupe de la Ligue, si on pouvait aller jusqu'à cette finale et la remporter, ça atténuerait un petit peu ma peine, voilà, le reste... Moi, je vais le faire différemment. Déjà, juste, je me permettais de citer, je sais plus de qui sur le chat, qui disait des défaites 1-0, Bordeaux en est capable contre quasiment toutes les équipes de Ligue 1 et aussi des équipes de Ligue 2. Hein. J'irais même plus loin en disant un national, etc. En club aussi, ils l'ont fait. Je vous écoute, donc bon, au final, c'est un match. Je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est la conséquence. Non, mais je sais, mais laisse-moi finir, Dexter, parce que tu rebondis sur toutes mes phrases. Je suis d'accord avec toi. La semaine dernière, tu m'avais un petit peu inquiété, quoi. J'avais pas trop de différence avec toi, c'est ça que je comprends pas. J'étais d'accord avec ce que tu disais. Là, je suis d'accord, je vous écoute, je suis d'accord avec vous sur l'ensemble du mercato, sur la com de Martin. J'ajouterai aussi l'offre à deux chiffres que Bordeaux doit faire pour un joueur de haut calibre qu'on attend toujours. Voilà. Ça m'avait déjà fait rigoler à l'époque, ça me fait toujours un peu rire. Au final, je pense que je suis encore plus dur que vous. Parce que, vous êtes dans le truc qui consiste à dire, pour qu'on recrute, il faut forcément qu'on progresse, il faut forcément qu'on recrute. Mais moi, non seulement je pense aussi ça, puisqu'il faut absolument qu'on recrute pour progresser, pour être autre chose que 6e l'an dernier, parce que sinon ça sert à rien. Mais je pense aussi qu'il faut être pas indulgent, c'est pas du tout le mot que je cherche. Il faut être exigeant envers les joueurs qu'on a déjà. Je trouve que c'est un peu simple au final de dire oui, mais cette équipe, de toute façon, il y a des nuls, etc. Mais moi, ça me fait peur de me dire que cette équipe-là, elle n'est pas capable de gagner. Parce que, quand je vous disais, si elle n'est pas capable de gagner, il faut changer les 11 joueurs, je ne déconnais pas quand je disais ça. Moi, et c'est peut-être ce qui me fait le plus mal, c'est que je partais avec des espoirs par rapport aux 6 derniers mois, parce que je me souvenais aussi des 6 premiers mois de Grosvenec où j'étais déjà en novembre en train de dire je laisse jusqu'à fin janvier à Grosvenec avant de demander à ce qu'il démissionne. Je m'en souviens de ce que je disais, hein, et je ne l'ai pas oublié. J'ai dit à lui de me faire changer d'avis. Sur 6 mois, il m'a fait changer d'avis. Sur un match, il m'a retourné encore l'esprit. Donc, non, mais c'est pas ça. Mais si, le débat, il est là. Donc après, la question de est-ce que Bordeaux pourra faire oublier ça ? Ben non, pour moi, on te dit tout le temps, on se bat pour la Coupe d'Europe. Si une fois qu'on est en Coupe d'Europe, on ne met pas les moyens financiers, je suis d'accord avec vous au niveau du mercato, mais aussi de préparation. Mais oui, mais parce que moi, le problème, c'est qu'avant, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je dis que je suis quand même plus exigeant. Et aussi d'accord avec lui. Je suis aussi plus exigeant en disant, non seulement je considère que oui, il faut améliorer cette équipe, mais la première chose que je me dis, c'est qu'avant de me dire améliorons l'équipe, si je me dis, mais cette équipe-là, si demain, contre Vidéoton, en tour de barrage, elle passe pas, mais c'est pas 4 joueurs qu'il faut. Parce qu'au final, je suis en train de me dire que Gourvenec, demain, contre Angers, on va pas gagner. Et en plus, sur la première partie de saison, on est capable de refaire la même première partie de saison que l'année dernière. C'est un truc totalement dégueulasse, où aucun joueur n'est à son poste, où le collectif n'est pas bon. Parce que moi, ce que je me souviens, c'est que le collectif était fort. Ce qui nous a fait contre Vidéoton, il n'y avait aucune cohérence collective. Je veux bien qu'on parle d'ajouter des joueurs, mais on a aussi le droit d'avoir un collectif fort. Et ça, même ça, il n'a pas remis. Non, et comment on peut totalement changer d'avis, de perception de l'équipe que tu avais en un mois? Moi, je me dis, mais Gourvenec, il ne sait même pas où il va. Donc, on peut recruter qui vous voulez, mais si les joueurs qu'on recrute, on les met dans un schéma, un système qui correspond à personne, ça va être le même bordel. Parce que moi, avant de me dire, ce que je vois, j'entends ce que vous dites en disant, cette équipe-là est améliorable et elle doit être renforcée. Oui, mais ce que je me dis aussi, c'est cette équipe-là, elle a des qualités. Et ces qualités-là, sur les 2 matchs vidéo, ton première, je ne l'ai pas vu trop offensivement. Et défensivement, c'était souvent à la limite. Sur le deuxième match, je ne l'ai pas vu du tout. Donc moi, avant d'être exigeant sur le mercato, j'ai déjà envie d'être exigeant sur cette équipe-là. Qui soit disant, c'est de mercato, Marc. Mais de renforcement d'équipe. Non, mais c'est même pas une question mais de ça. Mais Marc, du coup, pour toi. Vas-y, je t'en prie, Dexter, après j'ai terminé. Non, je voulais poser une question à Marc. Donc pour toi, le principal. On est en partie pour un quart d'heure, là. le principal responsable, c'est Gourvenec, alors pour toi. Ah, sur le match d'hier, oui. Sur le match d'hier. Tu penses, je te repose. C'est lui qui a fait la préparation question, physique. La seconde lame. Donc pour toi, il bricole et c'est de sa faute alors. Ah non, mais pour moi, il bricole pas, c'est ça le problème en fait. La question d'accord. Aujourd'hui, c'est qu'il bricole pas. Quand il met tout l'allant en défense, c'est pas parce qu'il manque de défenseurs. C'est parce qu'il est persuadé que c'est son poste. Moi, quand il met tout l'allant en défense, mais qu'il peut mettre pas le milieu défensif alors qu'il a Jovanovic sur le banc. Je cherche à comprendre, parce que si moi j'avais bricolé sur ce match-là, je t'aurais peut-être mis Gagic. Allez, en imaginant Pelnard, il est pas au niveau, mais ça j'y crois pas. Mais si j'avais dû bricoler, je t'aurais déjà mis Sabali à gauche, puisque c'est plutôt ça qui avait marché quand il avait tenté, et Gagic à droite, parce que Gagic à droite, à chaque fois qu'il a été testé à gauche l'année dernière, il a été mauvais. Donc pourquoi ça serait différent sur Vidéoton, j'ai pas compris. Ensuite, si vraiment j'ai pas de milieu défensif, je remets tout l'allant. Si je dois bricoler, son idée de départ c'est tout l'allant défenseur central. Mais tu vois, déjà t'essayes de compenser un petit peu les failles sur les postes et tout, c'est pas bon signe ça. Non, mais au final, ce que je veux dire, c'est que je fais la même équipe que l'année dernière. Ouais. Alors, on va être cohérent. Je dis, je suis d'accord avec vous, le mercato aurait dû être terminé avant le match de Vidéoton, mais on a pris Vidéoton par la jambe. Et d'accord, dans le cas où il n'est pas prêt avant Vidéoton, je considère que l'effectif de l'année dernière, s'il est reconduit à l'identique, doit passer. Et on n'a même pas fait ça, c'est-à-dire qu'on allait bidouiller. Tu vois, Dexter, tu me dis, mais on a bricolé. Pour moi, on bricole pas. Si tu bricoles, toi. Franchement, tu fais l'équipe en bricolant. T'as pas un milieu de défensif. Tu mets Plasil ou tu mets Toulalan? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est que, bien sûr. Mais c'est pour bien moi, sûr que au final, la raison de l'élimination, avant d'être le mercato en lui-même, et j'entends tout ce que vous dites, et je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est pour ça que ça me fait mourir de rire quand j'ai lu tout ce que vous disiez sur moi tout à l'heure. Oui, donc au final, je me suis trompé. Y a pas de souci. Je m'en excuse. Ce que je comprends pas, c'est le défaut, il est là. C'est que moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi il fait ça? Je lui dis, il aime pas Arambari, mais mets tout l'allant en 6. Pourquoi tu fais ça? Tu veux vraiment pas passer? Mais non, voilà. Il veut pas passer. Non, mais après, moi, ce qui enfin, là on rigole, enfin on rigole. Non, on rigole pas. On rigole pas. On a raté notre saison sur un match. Non, dire qu'on a raté. Non, t'as raté un de tes trois objectifs de la saison. Mais c'est quoi les autres? C'est quoi les autres objectifs de la saison? Gagner la coupe intercoupe. Non, non, te qualifier dans les quatre premiers pour se qualifier pour la coupe d'Europe l'année prochaine. On le fera pas. Et on gagne une coupe. On ne gagnera pas la coupe. Ou gagner une coupe ou se qualifier. Officiellement, c'est finir entre 3 et 8. Non mais gagner la coupe. Mais c'est juste, vrai. Est-ce que je peux c'est terminer? C'est ça qui est dingue. Je t'ai laissé. Comme ça, on finit cinquième et puis on se refait un petit. Je vous ai laissé. Je vous ai laissé terminer. Donc, moi, c'est pas ça qui. C'est pas ça qui me désole. Moi, ce qui me désole, c'est que depuis Ricardo, deuxième année pourri, viré. Enfin, il est parti. Blanc, dernière année de ses 3 ans. On fait 6 mois. Non, 3 ans. On fait 6 mois catastrophiques, tout cassé. Tigana, 8 mois, fou, viré. Gilot, 3 ans. La dernière année, plus personne en voulait. C'était même lui en voulait plus. Sagnol, deuxième année, début de deuxième saison, après une saison, une première saison qui était bien, exactement comme Gourvennec, plus aucune certitude d'entrée. Le début de la sagnolisation, des je sais pas quoi, des choix bizarres, exactement comme Gourvennec. On revit chaque année, à chaque début de cycle, de deuxième saison d'un coach, on revit la même chose. En pire. C'est-à-dire que Sagnol, lui, c'était 0 victoire sur 6 matchs de poule. Gourvennec, lui, va même pas en poule. Mais alors, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, moi, ce qui me désole, c'est quand j'entends tout à l'heure comparer avec Nice, comparer avec d'autres clubs. Bordeaux a un budget de 70 millions d'euros. Bordeaux a un fonctionnement au château qui est hallucinant. On vit avec des gens qui, on ne sait même pas à quoi ils servent. C'est des copains de copains. Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Monsieur Riolo est détesté par les supporters bordelais, mais Monsieur Riolo dit beaucoup de vérité. À Bordeaux, ça fait 15 jours qu'on a un DRH. Avant, il n'y avait pas de DRH. À Bordeaux, depuis que Monsieur Martin est là, on commence à regarder le fonctionnement des différents services pour savoir qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça apporte réellement au fonctionnement du club. On retransmet enfin les matchs amicaux. Ouais, enfin, il y a des trucs, c'est hallucinant. Sur les 70 millions, combien peuvent être économisés par le club? Autre chose. Bah, rien que ça, t'as raison, quoi, c'est criant. Quoi. Ouais, autre chose. C'est en train de changer encore, j'ai envie de autre dire. Chose, autre chose, bien. Malheureusement, on parle de trio, de ci, de là. C'est un feu de paille. C'est-à-dire que si vous voulez revoir Bordeaux un jour grand, mais malheureusement, M6, c'est plus en adéquation. Parce qu'aujourd'hui, juste aujourd'hui, recruter. Le prix du marché est hallucinant. Aujourd'hui, recruter un espoir de la Ligue 1 comme Ismaïl Assar, c'est 17 millions d'euros. Qui peut penser décemment que M6 est capable de mettre 15-20 millions d'euros sur Mukanjo? Est-ce que quelqu'un va pouvoir mettre 15 millions d'euros sur Mukanjo? Je ne l'ai même pas, c'est même pas son prix. Mais non, mais c'est pas une question de prix, c'est le prix du marché. Un attaquant qui te met 30 buts en 2 ans, c'est le prix du marché. Ce qui est dingue, c'est que t'imagines si à 10 ans on t'avait dit qu'il fallait s'inspirer de l'OGC Nice. T'en comptes l'OGC Nice, quoi. Qu'est-ce que c'est par rapport à Bordeaux? Il y a un truc qui peut être. Ils ont anticipé. Ce que nous, on n'a pas fait. C'est très bien dit, c'est que l'OGC Nice a vraiment bien progressé. Quoi. Eh oui. C'est un club qui a progressé d'année en année, à force de bien travailler, c'est totalement l'exemple à suivre, on fait l'inverse. Et le budget de l'OGC Nice est mis quasiment en intégralité dans le salaire des joueurs. C'est totalement ça. Oui. Après, j'ai une autre question, parce qu'on parle de l'OGC Nice, vous voyez deux secondes, il est 23h, on a Ochoa aussi qui voulait appeler d'extérieur. Tu voulais, je sais pas, conclure sur quelque chose ou pas? Ta phrase de fin. Ça sera jamais conclu. De toute façon, je pense qu'on va en reparler lundi parce que je le sens pas le match. Mais bon, après. Non, mais c'est même pas que je le sens pas. Moi. C'est que si même si on gagne 1-0, j'en ai rien à foutre, quoi. On vient de se faire fesser par les autres. Ouais, j'ai une question. Je voulais juste avoir ta réponse. Je vais te dire si je suis d'accord ou pas. On va le faire très simple. Tout à l'heure, il y a eu la question. Au final, personne n'a vraiment répondu, qui consiste à dire est-ce que pour vous la saison est ratée dès maintenant ou pas. Moi, je vais juste te dire, parce que je veux savoir ton avis, mais par rapport au mien. Je pense que les coupes, elles sont mortes. Elles sont pour Paris ou Monaco, donc on les gagnera plus. Et je considère que vu ce qu'on vient de faire, je ne comprends pas le délire d'être dans les 6 premiers parce que de toute façon, on ne fait pas ce qu'il faut pour être en Coupe d'Europe et faire quelque chose de raisonnable. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, elle est finie. Enfin, elle est finie, je suis dégoûté. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. On va nous parler de Neymar toute l'année. Personnellement, moi, la saison maintenant, au 4 août, elle est déjà terminée alors qu'elle n'a même pas commencé. Donc, j'aimerais juste avoir ton avis. Ah, là, par contre, tu es en train de me déprimer, quoi. Ah, ben ouais, non, mais je suis plus dur que vous. Hein. Effectivement, ce que tu me dis, c'est vraiment logique. Mais ouais, enfin, sais même pas quoi dire, tellement ça me dégoûte. Oui, on va finir 6ème, on va se faire offrir la place en Europa League par Paris. Ça sera la 3ème fois et au final on va perdre contre le FC Kaunas de Lituanie. Quoi. Donc, le FC qui se coule. Attention, il y a Lille comme d'ici. Il y a Lille, il y a Nantes, il y a aussi Rennes. Non, bien sûr, non, en plus c'est vrai que cette année il y a beaucoup plus d'adversité, donc non. Et, voilà, si vraiment la saison est terminée ce soir, ben, je vous rappelle plus du tout. Alors, j'ai une autre question, si on est 4ème, est-ce que ta saison est sauvée? Bah, 4ème, c'est pas mal. Ouais, non, mais là, on fait des plans sur la comète. Je pose la question parce qu'à un moment, mais 4ème, ça va. Dans 4ème, t'imagines, on est directement en phase de poule. Enfin, non, oui, bien sûr, oui, elle est sauvée. Non, on se fera pas sortir. Il faut savoir que l'année prochaine, en étant 6ème, on fait plus le 3ème tour préliminaire, mais on est qualifié directement pour les barrages parce que, avec le parcours de Monaco et de Paris, l'année prochaine. Le barrage. Oui, on commence directement par les barrages. Ah, on évite les temps. Donc voilà, déjà on évite les temps. On les prendra en barrage. Non, on pourra pas se faire éliminer au 3ème tour préliminaire. On les prendra en barrage. Non, mais. Pour conclure juste là-dessus, je pense qu'il faut pas tout brûler non plus parce qu'on a perdu un match. Il faut pas non plus surréagir tout. Il y a des choses, effectivement, qui sont incompréhensibles. Il y a des choses qui on peut mettre sur le compte, comme on disait, de l'inexpérience ou des choses comme ça. Par contre, effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'impact que cet échec en compétition européenne a sur nous, supporters. Parce que il était dans un programme, dans un projet global, Martin. C'est-à-dire qu'il y avait le sportif, mais aussi il y avait le fait de faire revenir les supporters au stade, etc. Donc il y a un échec quand même à ce niveau-là, et ça va impacter forcément sur la saison du club et sur l'avenir. Maintenant, ça, on ne va pas dire que ça, c'est le prélude à une saison où on va finir 17e, à lutter jusqu'à la fin de saison pour survivre en Ligue 1. Mais ça pèsera quand même lourd dans le bilan de la saison, même si moi je garde confiance en Gourvennec parce que la saison dernière il a quand même fait des choses intéressantes. Voilà, je veux pas qu'on parte en disant faut tout brûler, faut foutre le feu au château. Non, mais franchement, je pense que personne n'a dit ça ici. Non, mais je parle pas de nous ici. On est écouté, donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer. On est même écouté par le club. On est écouté par le club. On va te remercier, Dexter. Merci, Dexter. C'est moi. Juste, à lundi. Non, moi à lundi pour la deuxième partie. Et lundi, viens directement au studio, tu fais pas chier à téléphoner. Ouais. Non, d'accord, moi j'ai une vraie question. J'ai plus la barbe, hein. Parce que je sais que tu m'as un peu tagué avec ironie, comme si tu voulais me dire nénénia. Mais on est d'accord qu'on est pas si loin, on pense la même chose là. J'étais un peu dur avec toi, j'avoue que t'es pas en mode bourrico. Mais Marc, il aime quand on est dur avec lui. Non, oui, mais que seulement quand c'est des filles. Allez. C'est le rôle de fille, alors. Ouais. Là, en final, on était assez proches. Au niveau raisonnement, on était pas loin. Ouais. C'est vrai. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Ok, bonne soirée à tous. Parce que tu nous appelles tous les jours en ce moment. Ciao. Allez, à bientôt. Salut, ciao.